c'est que le musulman, plutôt le mari, ce soit quelqu'un de musulman, tamam, ce soit de quelqu'un de musulman, comme Allah subhanahu wa ta'ala, wala tankihu al-mushrikeen hatta yu'min. Ne mariez pas les musulmans au kuffar. Tamam, comme Allah subhanahu wa ta'ala, la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahun. Tamam, ni elles, elles sont licites aux maris qui sont kuffar, et ni eux sont licites aux femmes qui sont quoi? Kafira, tamam. Donc, si jamais il a récupéré et entre-temps il a apostasié, ou bien l'inverse. Le mari, lorsqu'il veut la récupérer, c'est la femme qui a apostasié. Là, il y a juste, hein. Là, il y a juste qui la récupère. Parce que, ils disent que, al-raja'a, c'est taqrir al-nikah. T'as même, c'est une clause parmi le mariage. Et le mariage, parmi ses conditions, c'est que, la personne, elle soit quoi? Muslim, qui est maqam nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man ja'a, tardawna, dinakum wa khulukuhu, fazawujuh. T'as même? Ok, maqam jalla wa ala, la tumsikuhunna bi'asam al-kawafir. T'as même, à partir du moment qu'ils sont des kuffars, elle peut pas être sous ta responsabilité. Donc ça, Kazalika, c'est une chose qu'ils ont évoquée. C'est que celui qui va la récupérer, parmi les conditions, on peut même la compter comme huitième condition, celui qui veut récupérer sa femme, il ne faut pas qu'entre temps, ni l'homme ni la femme, ils ont apostasié, car ceci annule le mariage. Et surtout, Inch'Allah, on se contente de cela. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله مع تحية دماج أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي.